Unité 11. 4. 1. Et comment ça marche? Il suffit de brancher et ça s'allume automatiquement quand tu rentres dans la pièce. Et ça s'éteint comment? Ben, quand tu sors. 2. Bon alors, regarde. Tu appuies sur le bouton là, à gauche. D'accord. Et après? Après, tu verses tous les ingrédients dans l'orifice, tu vois? Bon, d'accord. Ensuite, tu dois attendre entre 30 et 40 minutes pour que ça glace. 3. Et c'est stable? Oui, tout à fait. C'est en quoi? En polyester. Et c'est lavable. Et c'est cher? Non, non, pas vraiment. Et puis, c'est pratique pour emmener dans la voiture. 4. Elle est en or? Non, seulement plaqué or. Elle est belle, mais elle est si grosse, ça doit pas être pratique. Mais si, au contraire, ça permet de bien voir les chiffres. 5. Il est joli, mais je le trouve pas pratique. Ça prend beaucoup de place. Oui, mais ce système permet de voir plusieurs photos à la fois. 6. Mais comment tu fais pour t'en servir? D'abord, tu le places comme ça, sur le bouchon. Puis tu tournes et c'est tout. Comment ça, c'est tout? Bah, tu n'as pas besoin de tirer en tournant. Le bouchon sort tout seul. Ah, c'est vraiment bien. Et tu l'as acheté où? Chez le quincaillier de la rue Saint-Honoré.